Le bal des pauvres, épisode de 1838. « Ma fille, lui dit-il, glanez près des javelles, les pauvres ont des droits sur des moissons si belles, mais vers ces deux palmiers suivez plutôt mes pas, venez des moissonneurs partager le repas. Le maître de ce champ par ma voix vous l'ordonne, ce n'est que pour donner que le Seigneur nous donne. » Éclogue de Ruth. Minuit sonne. Le bal est dans toute sa gloire. On danse pour le pauvre, époque dans l'histoire. Le 18e siècle échappant à l'ennui, dans ses plaisirs joyeux veut bien songer à lui. On danse, et le haut prix qu'on a mis à la fête de la douce pitié, demain est la conquête. Oui, le pauvre demain de ses riants ébats apaisera sa faim en bénissant tout bas le cœur qui le premier sut forcer l'opulence à déverser son or sur la triste indigence qui, couvrant de plaisir ses bienveillants projets, força la vanité d'épandre des bienfaits. Ô femme, oui, c'est vous qui les premières consultes en rêvant ces danses aumônières. Et quelqu'ange divin laissa du haut des cieux tomber ce doux pensée sur vos fronts gracieux. Aussi n'est-ce point là cette mission sainte qui, sur des traits charmants, semble partout empreinte? Calmer les maux cuisants, consoler les douleurs, par la tendre bonté captiver tous les cœurs. Tel est, tout nous le dit, le partage céleste que Dieu fait en naissant à la femme modeste. Du naufrage gardant l'Ève aux chastes amours, sur la terre il jeta l'ombre des premiers jours. Oui, la femme longtemps par mon pinceau rêvée, cet ange au doux regard au front toujours serein, à l'âme sans détour comme l'or éprouvé, au cœur compatissant, à la sensible main, existe pour l'honneur de l'organisme humain. Tel, le lointain passé montre de saintes femmes, déjà mêlant leurs pleurs au drame de la croix. Le cœur pieux, brûlant d'indestructibles flammes, fondant de la pitié les admirables lois, puis suivant pas à pas le cortège des âges, on retrouve ce type immuable toujours. Il traverse les temps et brave les orages, c'est le gage de paix et l'ange de nos jours. C'est la femme chrétienne ainsi que l'Écriture nous la peignait jadis, douce et forte à la fois. Du tendre séraphin empruntant la nature, suivant avec amour l'évangélique voix. Oui, du siècle flattant l'orgueilleuse manie, à la femme chrétienne appartient l'œuvre pie de frayer aux bienfaits des chemins inconnus. De rappeler sans cesse à l'heureux qui l'oublie qu'égaux, rois ou bergers, naissent chétifs et nus, et qu'il n'est près du ciel qu'un titre, les vertus. Quelle est belle la femme, humaine, bienfaisante, qui consacre au malheur ses opulents loisirs, qui sans cesse plaidant d'une voix caressante arrache aux riches l'or qu'il destine au plaisir. S'enveloppant de mystère, sous le comble à la chaumière, on la voit d'un pied léger porter sa douce parole, sans cesse jouer le rôle d'un céleste messager. Elle ne craint point la souffrance, et ne détourne point les yeux de la misérable indigence et de ses alentours hideux. Celui qui souffre est son semblable. Est-il malheureux ou coupable? Le demande-t-elle d'abord. Non, jamais. Sa main charitable veut avant tout calmer son sort. Elle guérit, elle console les plus incurables douleurs. À sa voix, le chagrin s'envole, d'un mot, elle tarit les pleurs. Bel ange à l'aile azurée, exprès descendu des cieux, Dieu semble l'avoir créé pour cet office pieux. Mais que de mots encore échappent à sa vue. L'hiver est rude, hélas, et le pauvre honteux dévore en son réduit sa souffrance inconnue et répand en secret des pleurs silencieux. L'hiver, ce noir fléau fatal à la misère, Satan a redoublé ses fougueuses rigueurs. À moitié de son cours, le capricorne austère, sous ses pas meurtriers, sème mille malheurs. Là, dans ce bouge étroit, la famille nombreuse, près du brasier infecte au miasme de mort, se presse en grelottant, s'assoupit souffreteuse, et du dernier sommeil, sans y songer, s'endort. Là, dans cette mansarde arrivant à la vie, l'orpheline livrée au souffle des autans, par la faim, le travail et le froid affaibli, s'incline, se flétrit et meurt à son printemps. Là, sous ce comble ouvert à l'aquilon farouche, gise sur le carreau sans chaleur étendue, roide, et l'un dans l'autre, enlacés, demi-nus, des malheureux enfants qui de leur dure couche, pour regagner les monts, ne se lèveront plus. Ici deux jeunes sœurs, rivales d'Arachné, accordant aux besoins les heures de sommeil, surprises par le froid fatal destiné, s'endorment jusqu'au jour du céleste réveil. Là, sous ce faîte noir à la croupe brisée, de tous côtés ouverts au désastreux frimas, sans lambris, sans plafond, sans porte, sans croisée, est le plus meurtrier de tous les galetas. Entrons. C'est un vieillard, un vieux soldat peut-être, qui de l'affreux réduit est devenu le maître. Oui, c'est un vieux soldat qui, posant le baudrier, revint s'asseoir un jour au paternel métier. De glorieux chevrons sa manche était garnie, et sur son sein brillait l'étoile de l'honneur. Il était fort encore, mais la mère patrie courbait son front tremblant sous le joug d'un vainqueur. C'en était fait alors. Il regagna la rive, où la fidèle Agnès reçut ses premiers vœux. Oubliant les douceurs d'une vie inactive, il reprit du travail les jours nécessiteux. Il connut le bonheur. Bon époux, tendre père, Richard était heureux dans son humble chaumière. Comme l'onde fuyant, le temps avait coulé. Des hôtes de son toit, le nombre était doublé. Un fils, unique fils, d'une jeune compagne bientôt avait doté le logis paternel. Et toujours bienvenu cette fois, chaque campagne, un bel enfant sembla pour lui tomber du ciel. Le travail suffisait à la famille entière. Deux vigilants métiers éloignaient la misère. Le jour du jour suivant assurait les besoins. On vivait, c'était tout, mais tant vivait à moins. Et puis, chaque an passé sur le front de l'enfance, d'un bien-être prochain amenait l'espérance. Ici, dans cette place, il tiendra six métiers, et l'on comptait déjà des produits journaliers. On comptait, et la mort planait sur la chaumière. La mort hideuse, invisible courrière, noir fléau qui, porté sur l'aile des autans, des rives de l'Indus s'élança vers nos champs, et franchissant d'un bond une moitié du monde, arrêta sur nos bords sa course vagabonde. La mort, elle a choisi, le choléra du doigt a marqué tour à tour sa victime tremblante. Agnès, Berthe, Roger, sous sa faux menaçante, hélas, ont disparu de ce paisible toit. Richard seul est resté. Lui, le sexagénaire, demeuré seul soutien de la famille entière, unique protecteur de sept jeunes enfants. Explique-nous, grand Dieu, tes arrêts triomphants. La vieillesse et l'enfance, en regard, la misère, chaque jour amenait les besoins renaissants. Pourtant il travaillait, l'aïeul, sa main tremblante excitait du métier la marche vigilante, et le fil délié sous ses doigts engourdis, cassant, se renouait par les nez de ses fils. Que de courage donne une foi confiante. Le vieux Richard croyait, et son âme souffrante volait au ciel lointain rejoindre ses amis. Son regard fatigué perçait l'épaisse nue, et c'est là qu'il puisait cette force inconnue qui, des ans amassés, allégeait le fardeau. Qu'il s'élève, Seigneur, grands efforts à ma vue, puis en paix sur leur sort je descends au tombeau. Telle était du vieillard la touchante prière, et chaque aube éveillait son ardeur coutumière. Mais quatre hivers déjà péniblement passés ont dévoré les fruits lentement amassés. Chaque meuble en a un a fui l'humble chaumine. De son foyer, enfin, chassé par la famine, à travers les rigueurs des plus âpres frimas, entraînant après lui sa famille orpheline, Richard a rencontré ce mortel galetas. Sans feu, sans vêtements, sur une couche dure, cet enfant engourdi combatte la nature. Tout, tout est épuisé. L'étoile de l'honneur, cet insigne attaché des mains de l'empereur, fut du pauvre soldat le dernier sacrifice. Il veille. Quel tourment faut-il que je subisse? Mendier? À ces mots, son front à cheveux blancs, honteux s'est incliné sur ses genoux tremblants. Moi, vieux soldat, grand Dieu, quand je pourrais encore retravailler sans pâlir du couchant à l'aurore, mendier? Ces enfants, ils dorment, mais demain, demain, a-t-il redit, la faim, l'affreuse faim, et rien, rien pour calmer l'incessante furie. Ô mon pauvre Roger, Agnès, ombre chérie, infortunés enfants, ô mère de douleur, dans cette affreuse crise, inspire-moi, Seigneur. Le vieillard à genoux est tombé sur la terre. Minuit sonne, heure sombre et vouée au mystère, heure où l'oiseau des nuits sur le toit solitaire redit en gémissant son hymne ténébreux. Minuit sonne, et trois fois son cri frappe les cieux. Pensive à l'écouter, ma cithare s'arrête. Pourtant l'airain jaloux me rappelle à la fête. Quittant le froid séjour des plaintives douleurs, ma muse du plaisir va chercher les clameurs. Quel contraste, grand Dieu, près du malheur qui prie! Là, sous ce chaud portique, une rampe fleurie fait rêver le printemps au sein du rude hiver. Tout respire en ce lieu le bonheur et la vie. Les parfums d'Orient partout embaument l'air. Le lustre avec le lustre éclatant rivalise, d'or de ses reflets la glace de Venise, qui répète à son tour les traits de la beauté et fait de cet Éden un séjour enchanté. C'est le temps du repos. Chaque nymphe à sa place, sur son banc de velours se pavane avec grâce. L'une en ses doigts rosés roule un rebelle anneau, ou d'une blanche main lisse un brillant bandeau. L'autre jette un coup d'œil sur sa fraîche parure, efface un pli rétif, rajuste sa ceinture. Cet autre avance un pied quand serre le satin. Celle-ci jette au vague un sourire mutin. La danseuse prélude au moment qui va suivre. La causeuse, comme elle, aux soins coquets se livre. Chacune a de la mode imploré les faveurs. La plume, le clinquant, la pierre précieuse. Le strass au feu trompeur, l'escarboucle orgueilleuse. La blonde, le ruban, les perles et les fleurs. Méditent à l'envi la conquête des cœurs. Silence ! Le Linus qui, dans ce lieu, préside, de son archet despote a donné le signal. À cet appel joyeux, une phalange avide se dispose en quadrille et ravive le bal. Chaque groupe s'ébranle et des flots d'harmonie recouvrent les soupirs et les tendres aveux. L'orchestre frémissant protège la folie et cache de l'amour les traits malicieux. Ici, c'est la blonde rieuse, Iphis au séduisant souris. Là, c'est la brune sérieuse aux cheveux noirs, au teint de lys. Là, c'est la laide au froid visage, mais au mouvement gracieux. Tu reçus la grâce en partage, laide, ne te plains point des cieux. Ici brille Corinne à la taille élancée, beau palmier, enfant du désert. Là, Chloris, dans les nains, par la haine classée, gagne en attrait mignon ce qu'entaille le père. Ici, dans ce carré qu'une chaîne divise, c'est la naïve Isor et la grave Zaïs. C'est la fraîche Chloé, la superbe Céphise, la légère Cora, la sévère Artémise. C'est la noire Fatime et la blanche Idalis. C'est Zulmée au joli corsage, au maintien souple, au pied léger. C'est la belle Zara qui, d'un lointain rivage, nous rappelle le type à nos bords étrangers. Là, c'est la femme, au galbe antique, beau rêve des âges enfuis, image dérobée à quelque tour gothique, où dans l'ombre croissaient les roses et les lys. Celle-ci, n'en déplaise aux belles, est la reine du bal. Simple, Anaïs sans phare aux grâces naturelles, semble d'un ciel d'azur le lumineux fanal. Son portrait, va crier quelque femme au regard malveillant, aux dédains envieux. Son portrait, je ne puis le faire sur mon âme. C'est tout et ce n'est rien. C'est un rayon de flamme parti des régions qu'en vain cherchent nos yeux. Son portrait, vraiment je le jure, difficile en serait la fidèle peinture, et pour ce fait je tiens mes pinceaux impuissants. Maladroit Raphaël, dirais-je sa parure, la gaze, le satin de ses blancs vêtements, blonde ou brune en anneau, sa riche chevelure, l'éclat de ses yeux noirs ou leur feu languissant. Elle est belle, c'est tout de la beauté de l'âme. Eh, qui fut jamais laide avec ce don des cieux? Si contre ce portrait votre courroux réclame, j'ajouterai s'il faut un détail précieux. Tel que l'astre en l'éther scintille, un épi dans ses cheveux brille, épi non point semblable aux épis dont Cérès dote nos fertiles guérets, mais chef-d'œuvre de l'art où l'iris étincelle, qui des enfants de l'Inde emprunte tous ses feux. Bijou qui, sous la main de l'artiste fidèle, imite la nature et captive les yeux. Épi, joyau vainqueur, objet de sourde envie, dont le prix mille fois déjà fut agité, qui fait à chaque jet surgir une ennemie, orgueilleux de parer le front de sa beauté. Sur ce trône, insolent monarque, tu sèmes à foison tes lumineux dédains. Eh, qui sait, vain jouet de la fantasque parque, inconnu, quels seront tes bizarres destins? Mais quoi, tant s'arrêter sur un sujet frivole, quand l'heure du plaisir, comme l'éclair, s'envole, quand la nuit poursuivant son silencieux cours enlève d'une aile envieuse à cette jeunesse joyeuse le temps précieux des amours. Dansez, dansez, troupe folâtre, trop rapide viendra demain. Demain le dieu jaloux que la foule idolâtre noircira plus d'un front à cette heure serein. Déjà dans l'air on le respire, il plane sur ce couple heureux. À ce groupe il vient de sourire, de son aile jaillit un essaim ténébreux. Les cancans, fils bâtards de la malice oiseuse, de bouche enflée et de venin nourri, qui fantômes d'abord de forme vaporeuse, en orage bientôt par le caquet grossi, vont aller foudroyer quelque innocente tête, et le lendemain de la fête tenteront de changer les plaisirs en soucis. Qu'importe, amusez-vous, laissez, laissez médire, c'est l'aliment du sot, le pain de l'envieux. Au propos mensonger, le sage doit sourire et payer du dédain ses atomes haineux. Et puis, sur cette pauvre terre, n'est-ce point l'éternelle guerre aux bons faites par les méchants? De Caïn et d'Abel toujours renouvelée, la lutte au genre humain sans cesse rappelée, qui brave avec orgueil le naufrage des ans. Arrière, loin d'ici tout contempteur morose, je veux du parfum de la rose sans fiel à longs traits m'énivrer. Est-il quelque fâcheux qu'il ose à mes yeux hardis se montrer? Eh, ce paon cache-t-il quelque pâle fantôme, sous ses glands quelque nain des plaisirs ennemis? Rassurez-vous, enfants de la danse et des ris d'ennemis point. Sujet des vaporeux royaumes que nous a dépeint Gabali, de sylphes, non, de sombres gnomes, non, non, tout simplement deux fantasques esprits, tels que notre siècle en fait naître dans le recoin d'une fenêtre, à demi dérobés sous de soyeux rideaux, suivent la phalange folâtre et de ce varié théâtre contemplent les mouvants tableaux. L'un frondeur, s'il en fut, incessant moraliste, l'autre esprit nuageux, rêveur, quelque peu triste. L'un marchant sans répit, le binocle à la main, toujours prêt à sonder le fond du cœur humain, haïssant à la mort le siècle et sa folie, criant contre le luxe et contre la manie de vouloir se lancer n'importe à quel haut prix, et livrant sans pitié les travers au mépris. L'autre, moins exigeant, considérant le monde tel qu'il est, bon, mauvais, masse nauséabonde d'où s'exhale parfois quelque léger parfum, fuyant par goût l'éclat, le bruit et l'important, voyageur pèlerin des steppes de la vie, jaloux de rencontrer quelque repos ombreux, dédaigneux de l'orgueil et de la vile envie, d'un pied indifférent foulant l'aspic hideux. Ici, seule, Anaïs est belle, dit notre misanthrope aux jugements altiers. Sur ce visage, seule une âme se révèle, le reste vrai d'honneur est digne de teigner. Elle seule me plaît, a répété l'Alceste. Elle seule, Anaïs, est jolie et modeste. Encore, qui me dit que ce front enchanteur, ami, ne cache point quelque défaut menteur? Arrête, cher Criton, ta censure mordante. Il est, oui, j'en conviens, ici quelque travers, nombre de cœurs blasés à la malice ouvert, mainte femme à l'œil doux, à la voix caressante, dont l'esprit est atteint d'une rage incessante, et qui, sur le prochain, se plaît à déverser le venin envieux qui semble l'oppresser. Mais dans le nombre, il est encore quelque belle âme, qu'un pinceau plus flatteur avec raison réclame, quelque cœur ingénu sous la mode étouffée, dont le siècle moqueur, Criton, a triomphé. À suivre le torrent réduit par leur faiblesse, que d'être sérieux sans partager l'ivresse d'une foule vouée au plaisir d'ici-bas, maudisse le démon qui dirige leurs pas. Chanson, chanson, mon cher, Omélie inutile, éloge malséant de ce sexe fragile, dont le cœur de dentelle et de gaze formé semble à tout penser sage entièrement fermé. A-t-il le temps, dis-moi, pour voir ou pour comprendre l'action généreuse et le sentiment tendre, quand de ces jours passés en vains amusements, la mode avec fureur dispute les moments? Non, sa trop courte vie en soins frivoles usés fuit sans le doux loisir d'une grave pensée. À son lever soudain voler à son miroir, frapper à chaque seuil du matin jusqu'au soir, courir chez les marchands, composer sa parure, c'est assez pour la femme, ami, je te le jure. Ajoute le caquet des lendemains de bal, et tu posséderas son bulletin normal. De là tant de défauts, caprices, petitesse, malignité, dédain, envie, orgueil, faiblesse. Le cœur vide et l'esprit vide comme le cœur, je le demande, ami, quel gage de bonheur? Il serait autrement si chaque mère sage de la vie apprenait à faire un noble usage. Si digne, remplissant le devoir maternel, elle suivait en tout le vœu de l'Éternel. Si vouée aux vertus d'une main patiente, elle formait le cœur de la Vierge naissante. Mais non, non loin de là, c'est le soin d'un corset, la forme d'un soulier, la pose d'un bouquet, l'artiste arrangement mis à la chevelure, une boucle, un collier, enfin de la parure, savoir rendre avec goût l'agencement complet. Voilà ce qui s'appelle un modèle parfait. Paraître est tout. Ce mal en tous les rangs pointille, quand dans la femme gît l'honneur de la famille, le repos du foyer, la gloire des aïeux, l'espoir de la lignée, il suffit qu'elle brille, qu'elle soit esprit fort et dédaigne les cieux. Siècle, siècle insensé, quel avenir frivole, quel néant sous tes pas, oh de quelle auréole dans les âges futurs je vois ton front paré, quelles seront, dis-moi, faibles abattardies les générations de ces races sorties, vieilles avant le temps sous leur haillon doré. Vraiment, mon cher Criton, ta critique est sévère. Calme-toi, dur censeur, jette plutôt les yeux sur cet ensemble gracieux, tableau du pays de Cythère. Tu seras désarmé, j'en atteste les dieux. Par des faits positifs faut-il donc te convaincre? Je te jette le gant, je le ramasse, ami. En garde, j'entre en lice et non point à demi, je te fais rendre gorge, à mon fer de te vaincre. Allons, allons, suis-moi vers les saints ennemis. Dépouille ce velours, cette moire brillante, cette riche parure à l'œil étincelante, éloigne cet éclat qui doit tout au flambeau, prends la nature à nu sous ses vains oripeaux. Vois que de luttes engagées, vois combien de souris haineux, Vois ces mille beautés en escadrons rangés, jetant l'une sur l'autre un regard dédaigneux. Mais ce n'est point à l'œil qu'on peut, au regard même, juger le cœur sincère ou le cœur envieux. L'œil est parfois trompeur, d'une douceur extrême il sait voiler à rispe un dessin ténébreux. Mais la bouche, elle, plus imprudente, découvre sans détour les intimes secrets. De ses plis onduleux suit la marche inconstante, et tu tiendras la clé de maint traître projet. Alors, et beau semblant, et flatteuses paroles pour toi changeront de couleur. Moderne Cléophas, jugeant à froid les rôles, devant toi s'enfuiront les dehors imposteurs. Approche, ici vois l'ami à l'ami, car ce titre souvent recouvre une ennemie. Prodiguer les plus tendres noms, derrière elle bientôt pleine de jalousie, critiquer et sa taille et ses grêles chiffons. Eh, trop heureuse encore, si du seul ridicule elle a bien voulu la doter. Si plus audacieuse, écartant tout scrupule, infernale à sa gloire, elle n'ose attenter. Cette autre, à celle-ci chère Arispe, prépare des douleurs, des soucis, des débats maritaux. Elle ombrage et veut que Némésis s'empare de ce couple naguère aux soins de tourtereaux. Celle-là, par l'envie incessamment poussée, toujours roule en secret quelque mauvais dessein, et sa vie inutile à déchirer passée est le mal endémique du malheureux prochain. Celle-ci, sous la loi du démon des conquêtes, est à mort la beauté qui l'éclipse en fraîcheur. Médisant au logis, affable dans les fêtes, le miel est sur sa lèvre et le fiel en son cœur. Cette autre, au goût léger, tremble, frémit de haine, quand un ange d'amour vient s'offrir à ses yeux. Dedans l'abîme, il faut que sa rage l'entraîne, il le faut à tout prix, tel est son plan hideux. Cette autre, mesurant l'échelle sociale au plus ou moins d'éclat pour paraître empruntée, croit monter et descend, aveugle, se ravale à subir le contact d'un être déhonté. Observe ce magot à la face livide, au torse repoussant, à la langue perfide, qui de mille dédains a dévoré l'affront et qui porte le vice imprimé sur son front. Chacun le fuit, partout, paria, solitaire, quelque femme naïve à ce ciel étrangère ose seule approcher le monstre venimeux. Mais instruite bientôt fait un pas en arrière et s'attire le flot de ses poisons haineux d'une scène. Ah, Criton, grâce, je t'en conjure, tu déflores pour moi cette belle nature que mon pinceau rêva, que ma lyre a chantée. Si l'on voit dans ce lieu l'agnomide hideuse, s'il est quelque sylphide à la mine trompeuse, il est aussi, crois-moi, des anges de bonté. Tu chercheras en vain toujours quelque lacune, montreras du revers la couleur importune. Je te convertirai, tu m'étonnerais fort, du moins elle, Anaïs. À le faible et le fort, je ne m'en départ point. Sycophante incurable, je ne puis supporter ce penchant détestable à noircir sans pitié les plus riants tableaux. La vérité, mon cher, a tenu mes pinceaux. Mais, Criton, conviens-en, oui, la nature même dans ses créations procède par extrême. L'hiver, le vieil hiver, est voisin du printemps. L'été touche à l'automne et la brise aux autans. Le contraste complet partout est nécessaire. C'est la tempête au calme et l'ombre à la lumière. Dans sa sagesse ainsi, Dieu créa l'univers. Recevons tel qu'il est le monde et ses travers, bon, mauvais. Mais le bal s'éteint, faute de vie. Les lustres ont pâli, la parure est flétrie. L'heure sonne, il est temps. Le jour malicieux enlèverait le charme à ses fronts radieux. Aux dansantes beautés, l'aube est toujours fatale. Elles n'attendront point sa lueur matinale. Adieu. Fané, poudreux, le cercle défloré n'offre plus ce parterre à l'aspect diapré. Du sautillant galop, l'heure joyeuse arrive. Le fracas est plus grand, l'harmonie est plus vive, et pourtant la langueur déjà se fait sentir. Allons, plus de délai. Allons, il faut partir. Partout ce cri s'entend. D'une voix discordante, l'ennui porte l'arrêt à l'élite dansante. Le couple, fatigué vers le grand escalier, se dirige en bâillant et fuyant le premier, enfoui sous des flots de Marthe Zibeline, glisse tel que l'éclair sur l'arène argentine. Au léger phaéton succès de la berline, et la demi-fortune arrivant à son tour, de son pesant fardeau maudit l'ample contour. L'automédon glacé sous sa couche givreuse reçoit en murmurant le signal du départ, et frise sans pitié sur la dalle neigeuse le pauvre à deux genoux, le malheureux vieillard. Il jure, l'autre pleure, et sa plainte vibrante dans des cœurs endurcis, hélas, n'a point d'accès. 10 fois déjà, 10 fois sa voix tremblante, 10 fois s'est élevée et toujours sans succès. Un élégant landau rompt la file et s'avance. Beau d'orgueil et d'impatience, 2 chevaux andalous tour à tour hennissant, d'un pied qu'agite la colère, frappent à coups pressés la terre, à regret contenu sous un frein blanchissant. Une femme paraît, une épaisse fourrure cache au regard jaloux sa suave parure, mais ne peut dérober son maintien gracieux. C'est Anaïs. Déjà son pied léger effleure la marche, que descend sa roulante demeure, quand des mots étouffés, pitié, pitié pour eux, pitié pour mes enfants, la voix du malheureux s'éteint, sur la neige glacée du désolé vieillard la face s'est baissée. Anaïs, qui dira ce que ton noble cœur à ce moment cruel ressentit de douleur? Quelle pensée, généreux, électrisant ton âme, de tes yeux fit jaillir un pur rayon de flamme? À son front radieux, elle a porté la main. L'épi, l'épi brillant, gloire, honneur de sa tête, l'épi tant jalousé du pauvre est la conquête, et dans ses doigts glacés est déposé soudain. Tenez, bon père, a dit la forme séraphique, que le ciel vous bénisse et garde vos enfants. Et des pleurs ont coulé de ses yeux triomphants. Éveillé par la voix de cet être angélique, Richard a cru d'un ange entendre les accents. Richard, car c'était lui, courbé sous la misère, qui rencontrait le ciel sur cette froide terre, en extase rêvait l'éternel horizon. Tel que l'aigre faussé ou la vielle criarde trouble d'un chant d'amour l'agréable unisson. Quelle folie, a dit une beauté blafarde. Anaïs, se peut-il que la raison vous garde? Ah, n'est-il donc point juste, en cette âpre saison, que le pauvre honteux glane après la moisson? Répond notre péri, cet ange à forme humaine, et le léger landau comme l'éclair l'entraîne. Historique, parole de la jeune duchesse de... Sous le ciel nuageux, un homme est demeuré du temps insoucieux. Son front rayonne. Eh bien, impitoyable ariste, la femme aux pensées grands, à l'âme pure existe. Elle existe en dépit des travers de nos jours. Elle exista jadis, elle le sera toujours. Tant qu'un rayon de flamme échauffera la terre et tant que roulera ce monde sublunaire. Douce Anaïs, merci, merci, fille du ciel, courbée sous le fardeau d'un cruel sceptisme, pour croire à quelque chose en ce temps d'égoïsme, il faut de pareils traits aux malheureux mortels. Honneur à toi, bienfaitrice modeste, de joie aux affligés tu fais verser des pleurs. Honneur à toi, fille céleste, tu ravives du ciel l'espérance en nos cœurs. Ah, si là seulement ta couronne se tresse, sur terre devant toi le superbe s'abaisse. L'athée à ton aspect au jour ouvre les yeux, l'incrédule aux accents de ta voix argentine rêve des champs d'azur les concerts radieux. Forcé de reconnaître une essence divine, adore et devant lui voit s'entrouvrir les cieux. Ainsi s'est écrié le jeune enthousiaste, et l'astre au doux rayon a reçu ses serments 1000 fois répétés, couverts d'un voile chaste. Nuit ne révèle point le secret des amants.